c'est le temps de rester là avec sa femme et ses enfants à la maison, tranquillement. Le temps va ben trop vite, c'est déjà le temps de repartir vers la grande ville, faire de l'argent pour la famille et revenir. Mais moi, pour l'agrément, pas pour l'argent, mais trop souvent, il faut de l'argent pour se donner de l'agrément. Donne-moi un peu de ton temps, on se dira tout sans se parler. Le regard nous suffit pour nous dire que l'on s'aime pour tout le temps. Des fois, je m'aime pas le temps d'être présent à mes amours. Faut que j'écrive la poésie qui me tient en vie. Les trottoirs, j'entends les voix du désespoir. Juste à côté, y'en a qui rient. Toute la beauté que c'est d'être en vie. Des fois, des fois, je longerai des doutes. Et je sacrais le cœur, sur le dos du vent, vers un pays plein de lumière, dans l'autre vie, loin de la misère. Le temps de mon voisin, c'est pas le même que le mien. Mais c'est tout le temps d'être ensemble en même temps, bien tient d'un divin. Le temps de ne faire que, et dans chacun des Québécois chante la joie de pays libre, libre, libre, libre, libre. Le temps va faire son chemin et à tout le temps. De ton cœur, mon amour, toi ma vie, pour te le dire. Le temps va faire son chemin. Il y a tout le temps pour aller loin. Et jusqu'au fond de ton cœur, mon amour, toi ma vie, pour te le dire.